Animaux de compagnie. Tout ça, c'est de la boucherie, de la boucherie, de la boucherie. On se dit homme moderne, mais on voit ça de loin. On ne voit pas le mal que l'on fait à nos frères, à ceux que l'on caresse, à ceux que l'on montre, à vos enfants. Comment leur expliquer à ces gens qui viendront qu'on fait de la cruauté? C'est simplement pour notre propre beauté, pour notre petit confort, pour notre petit égo, et de dire oh, on ne savait pas, oh. Non mais on ne savait pas. Si On sait, mais rien ne nous fait changer. Pour se passer le temps, on fait un sacrifice. Safari pour avoir du papier pour des factures à payer pour la publicité. On met du désherbant, des pesticides, on prend l'avion. Des millions d'avions, des millions d'usines, et on détruit les poumons de notre seul endroit où l'on est. On détruit les poumons de notre seul endroit où l'on est. Des femmes, des millions de femmes, et plus encore des hypocrites sommeils qui contribuent tous au massacre.